Pour vos différents besoins en électricité, c'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter. Que ce soit pour vos travaux résidentiels, commerciaux ou industriels, les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini, le propriétaire des entreprises Rodrigue Piquette rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos... On va parler d'hockey scolaire, évidemment. On va parler du côté de l'équipe des Aigles de Roberval au niveau Benjamin, au niveau cadet également. Il était en action la semaine passée. On en parle avec Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Manny. Simon, évidemment, les équipes étaient en action en fin de semaine passée au niveau Benjamin, au niveau scolaire. Ça a bien été encore une fois. Oui, ça a super bien été. Notre équipe Benjamin jouait à Chicoutimi. Un verdict nul de 3-3. Performance, Chicoutimi ont très bien joué. C'était un match quand même assez difficile de notre côté. Le gardien Émile Pagé était très, très, très solide dans le verdict nul. Ensuite de ça, en cadet division 2 à Roberval, on a gagné 3-1 contre l'équipe de Cardinal Roy. Et puis en juvénile contre Cardinal Roy, on a vaincu. On les a battus 3-0. C'était Amélia Petitcouille, ça fait deux matchs consécutifs. Et qu'elle fait des blanchissages, donc ça fait 90 minutes qu'elle n'a pas accordé de but. Puis le lendemain, je venais de gagner 5-1, encore une fois, là, contre le Séminaire Saint-François. Puis un match de semaine, là, hier, la Benjamin jouait contre les Lynx d'Alma. Et puis, un verdict nul de 1-1. OK. Donc, un super de bon match. Donc, évidemment, ça augure bien, je veux dire. Puis tu me disais avant de rentrer en onde que dans les cinq marqueurs, il y en a trois dans une des équipes. Là. Dans le Benjamin, là, dans les 15 premiers marqueurs de la Ligue, toutes divisions confondues, là, on a trois marqueurs là, trois marqueurs qui figurent là-dedans. On a un peut-être qui est dans le top 5, deux dans le top 10, puis trois dans le top 15 okay. environ. Donc, ça prouve à quelque part que vous avez beaucoup, beaucoup de talent. Là. C'est pas mal encourageant. On a des joueurs de différents. C'est différent. On n'a pas un joueur qui est pareil. On a différents talents. On a des travaillants. On travaille beaucoup au sein de notre profondeur. Puis nos meilleurs, on veut les rendre meilleurs. Là, bientôt, là, on va être déjà rendus à les faire progresser assez. D'aller jouer des matchs en Calais, division 2, voir s'ils sont capables d'aller. De ce proto-calibre, c'est vraiment sur le processus de développement. C'est important pour nous autres qu'ils débutent. Tout le monde débute dans leur catégorie, qu'ils fassent le match. Puis, plus ça va aller, là, on va avoir des cadets qui vont aller jouer des matchs dans le juvénile, on va avoir des benjamins qui vont aller jouer dans le cadet, justement, pour qu'ils continuent de compétitionner et qu'ils voient c'est quoi le calibre supérieur ensuite. OK, OK. Donc, ça va être. En fin de semaine, ça dit quoi? En fin de semaine, c'est congé samedi dimanche. Il reste deux matchs. Dans le fond, c'est les juvéniles qui partent demain après. Demain matin, ils partent. Ils s'en vont jouer un match chacun, un derrière de l'autre à Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Et puis, samedi dimanche, c'est congé pour toutes les équipes. Là, on prend le collier en Benjamin mercredi prochain. On va jouer à Québec contre Cardinal-Roy. OK. Donc, ça, au cours de la semaine prochaine, ça va faire du bien, quoi, un petit congé de main? Ouais, ben oui, c'est sûr. Congé, puis notre arena n'était pas du fun. Non plus, une compétition de patinage artistique en fin de semaine chez nous, donc okay. Le monde, ça fait bien une petite fin de semaine de congé de temps en temps. Là. Ça, c'est le fait que c'est ça qui est plaisant un petit peu dans la ligue scolaire, c'est que le fait de jouer des matchs sur semaine contre les autres équipes, ça nous permet d'avoir justement des fins de semaine de congé comme ça. Fait que ça fait du bien aux jeunes. Ça fait du bien en famille, puis ça fait du bien aux entraîneurs aussi, parfois. Ben oui. Simon, on s'en reparle le jeudi prochain. Super, merci beaucoup. C'est la chronique des Aigles de Roberval avec Simon Gaudreau.